Une vengeance par Bénédicte Gallet. Chapitre 1er. Au pied du versant d'une montagne de la Sierra Morena, sur les bords riants du Guadalquivir, s'élevait au XIVe siècle une petite habitation enveloppée de roseaux et de plantes marines et baignée, pour ainsi dire, par les eaux du fleuve. Le voyageur qui eut pénétré dans cette maisonnette, un certain jour, à l'heure de la sieste, aurait pu y contempler un ravissant tableau. Une tête de femme, douce et gracieuse, était appuyée sur l'épaule d'un beau jeune homme à la physionomie mâle et passionnée. Aller voir se presser la main en silence, se regarder longtemps, se parler ce muet langage du cœur, si empreint de charme, d'éloquence, de poésie, on eût deviné bien vite quels tendres sentiments les unissaient. Le jeune homme s'appelait Gilles Pérez. Il exerçait à Séville la profession de cordonnier, et plus d'une noble seigneura, en se rendant le matin à la cathédrale, tournait furtivement les yeux vers l'échoppe de l'artisan. La jeune fille s'appelait Julietta. C'était bien la plus jolie créature, la plus délicieuse enfant qui eût jamais tressé les mailles d'un filet. Tandis qu'ils étaient là, seuls, sans témoin importun pour épier leur bonheur, pour intimider leur amour, la cabane s'ouvrit soudain, et un homme entra. Il portait les pantalons relevés et le pauvre vêtement d'un pêcheur. Sa taille était haute et maigre, sa figure rude et débasanée. Il sembla mécontent de rencontrer chez lui quelqu'un dont il ne désirait pas la visite. Puis s'avançant vers Pérez et Julietta, il détacha brusquement leurs mains entrelacées. À ce mouvement inattendu, Gilles fit quelques pas en arrière et jeta un regard inquiet sur le pêcheur. « Qu'as-tu donc aujourd'hui, Gomez ? » dit-il avec une surprise douloureuse. « Ne sais-tu pas que j'aime ta fille de toutes les forces de mon âme ? N'as-tu pas vu depuis 2 années ce sentiment grandir chaque jour, devenir le but constant de mes efforts, ma plus chère espérance ? Pourquoi séparer nos mains puisque l'amour les rapproche et que Dieu bientôt les unira ?»« Non, Gilles, » répliqua le vieillard d'une voix brève, « Julietta ne peut t'appartenir. » Elle ne sera jamais la femme d'un lâche. D'un lâche, dis-tu. Mais quand donc Pérez a-t-il pâli devant un danger, refusé son bras à la faiblesse, mis à la vie un prix qu'un homme ne doit point y attacher? Lâche, 3 fois lâche, est l'enfant qui ne venge point son père. Gilles Pérez demeura immobile. Au nom du ciel, explique-toi plus clairement, Gomez. Quel fatal mystère est enfermé dans tes paroles? Déchire le voile épais qui m'a caché la vérité. Lors de la mort de mon père, j'étais loin de Séville. J'avais suivi mon oncle à Carmona. À mon retour, Antonio Pérez n'existait plus. Tout était lugubre et glacé dans les lieux où j'avais laissé le calme et la joie. Bien jeune alors, je ne compris que vaguement l'étendue du malheur qui venait de frapper ma famille. Cependant, je voulus en connaître la cause. J'interrogeai avidement ma mère. Elle se contenta de me répondre « plus tard ». Et ce terme n'est point encore arrivé, n'est-ce pas? C'est que son cœur affaiblit, Pérez. Son amour pour toi s'est trouvé plus fort que sa douleur. Elle t'a préféré à sa haine. Oh, parle, parle, Gomez. J'ai 20 ans maintenant, je dois tout savoir. Julietta était devenue toute tremblante. Elle s'élança vers le vieillard, comme pour retenir les paroles suspendues à ses lèvres. « Silence, mon père, silence, si vous m'aimez. » « Non, » dit le pêcheur, « le moment est venu. Approche, Gilles, et écoute-moi. » Il y a 10 ans, le bonheur habitait la maison du cordonnier Pérez. Ton père avait acquis beaucoup de réputation dans son état, et l'avenir lui promettait une fortune bien acquise, honnêtement amassée. Sur ces entrefaites, le chanoine Henriquez vint se fixer à Séville. Rejeton d'une maison illustre, parent d'Albuquerque, doué de tous les mérites d'un courtisan accompli, ce prêtre était l'un des favoris du roi Don Pedro. Cependant, cette position si enviée et si brillante ne le rendait point heureux. Une difformité faisait le tourment de sa vie. Il était boiteux. Instruit du talent de Pérez, il eut recours à lui. Mais toute l'habileté d'Antonio échoua contre une difformité si prononcée. « Ta maladresse mériterait la potence !» s'écria le chanoine en lui lançant les sandales au visage. Quoique ouvrier, ton père était homme. Il avait sa dignité, tout aussi bien que s'il eût porté une soutane ou une épée. N'accusez, lui répondit-il, que la maladresse de la nature. À cette réponse, la colère d'Enriquez se convertit en fureur. Il se leva, saisit un bâton et en appliqua un coup si terrible sur la tête d'Antonio que ton père tomba pour ne plus se relever. Les mains de Gil Pérez se serrèrent convulsivement. Que te dirais-je? Quand ta mère vit apporter le cadavre d'Antonio, un délire furieux s'empara de son esprit et de son cœur. Elle s'arma d'un poignard et voulut venger dans le sang du chanoine le meurtre de son époux. Mais elle se ressouvint alors qu'elle avait un enfant, un pauvre orphelin, pour lequel elle devait se conserver. Elle crut que la justice lui viendrait en aide pour frapper l'assassin. Elle porta ses larmes et sa douleur au pied du chapitre. Dieu sait quelle touchante prière elle adressa à ses interprètes de la loi, quelles humbles paroles son désespoir lui inspira pour les attendrir. Les juges ne l'écoutèrent pas sans intérêt et sans émotion. Ils lui promirent une réparation éclatante. 8 jours après, le chanoine fut condamné. « À être pendu ?» interrompit Pérez. « À s'abstenir du cœur pendant 1 an. » Il eut un long silence. Gilles se leva. « Je te remercie, Gomez, » dit-il, les lèvres pâles, les dents serrées. « Mais tu t'es trompé tout à l'heure. L'enfant qui ne venge pas son père est plus qu'un lâche, c'est un infâme. » En regardant ce visage défait et livide, le vieux pêcheur ressentit un poignant regret d'avoir soulevé un orage de passion dans le cœur jusqu'alors si calme et si paisible de Pérez. « Où vas-tu, Gilles ? » lui demanda-t-il avec anxiété. « Embrassez ma mère. Et après ? Adieu, Julieta. Adieu, Gomez. Oh, mon père ! » dit en sanglotant la jeune Espagnole. « Mon père, qu'avez-vous fait ? »